À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le séminaire asiatique sur les idées du Juche sous thème « La confiance en soi, la clé de la souveraineté » a eu lieu le 17 mars à Colombo, Sri Lanka. Y étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont pris part l'administrateur général, le secrétaire général et les administrateurs de l'Institut asiatique des idées du Juche et les chefs des organisations d'études des idées du Juche de Sri Lanka. Y ont été invités comme hôtes d'honneur des parlementaires sri-lankais et autres personnalités de différents milieux, comme le président du Comité des droits de l'homme des États de Haryana et de Punjab de toute l'Inde. Les orateurs ont dit que la clé principale pour libérer les peuples opprimés qui souffrent de toute exploitation et oppression est la confiance en soi et que les grandes idées du Juche guident pour la paix et le bonheur de l'humanité éclairent la voie pour la confiance en soi. Ils ont appelé tous à porter haut la bannière des grandes idées du Juche et de Sun Gun et à s'engager vigoureusement dans la lutte pour l'édification d'une nouvelle société indépendante. Au séminaire, on a adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.